La cité mystique de Dieu par Marie d'Agreda, tome 3, Pouciel Guruzan 1857, livre 4e, chapitre 13. L'auguste Marie connut que c'était la volonté du Seigneur que son très saint fils fût circoncis. Elle en parle à Saint Joseph. Le nom sacré de Jésus vient du ciel. Aussitôt que la très prudente Vierge fut devenue mère par l'incarnation du Verbe dans son sein, elle commença à considérer les souffrances que son très doux fils venait endurer. Et comme la connaissance qu'elle avait des Écritures était si profonde, elle pénétrait tous les mystères qu'elle renfermait. Et par cette science elle prévoyait et pesait avec une compatissante indicible ce qu'il devait souffrir pour la rédemption du genre humain. Ces peines qu'elle repassait dans son âme d'une vue si claire, furent un long martyre pour la très douce mère de l'agneau qui devait être sacrifié. Mais pour ce qui regarde le mystère de la circoncision qui se devait faire peu de temps après la naissance, notre divine dame n'avait reçu aucun ordre express, et ne connaissait point la volonté du Père éternel. Par cette incertitude, le Seigneur excitait la compassion, les affections, et la douce voix de la tendre et amoureuse mère. Elle considérait dans sa sagacité que son très saint fils venait honorer et confirmer sa loi en l'exécutant et en l'accomplissant lui-même, Matthieu 5, 17, qu'il venait en outre souffrir pour les hommes, Matthieu 20, 28, que son très ardent amour ne refuserait point la douleur de la circoncision, et que pour d'autres motifs encore, il pourrait être convenable qu'il la subît. D'autre part, l'amour maternel et la compassion la portaient à souhaiter que son très doux fils fût affranchi de cette peine s'il était possible, d'autant plus que la circoncision était un sacrement destiné pour ôter la souillure du péché originel, dont l'enfant Dieu était si exempt, ne l'ayant point contracté en Adam. Saintement indifférente dont cet amour pour son très saint fils, et cette soumission aux ordres, du Père éternel, la très prudente dame fit plusieurs actes héroïques de vertu, qui furent extrêmement agréables à sa divine majesté. Et quoiqu'elle eût pu sortir de ce doute en demandant tout de suite au Seigneur ce qu'elle devait faire, elle s'en abstenait néanmoins, parce qu'elle était aussi humble que prudente. Elle ne le demanda pas non plus à ses anges, parce qu'elle attendait en toutes choses avec une sagesse admirable le moment opportun fixé par la divine providence, et qu'elle ne témoignait jamais d'empressement ni de curiosité pour connaître l'avenir par des voies extraordinaires et surnaturelles, surtout quand il paraissait devoir la soulager de quelque peine. Lorsqu'il se présentait une affaire importante et épineuse, en laquelle le Seigneur pouvait être offensé, ou une occasion pressante pour le bien des créatures, en laquelle il fallait consulter la volonté de Dieu, elle demandait auparavant la permission de le supplier de vouloir lui déclarer son bon plaisir. Cela n'est pas contraire à ce que j'ai écrit en la première partie, livre 2 chapitre 10, savoir que la très pure Marie ne faisait rien sans en avoir demandé la permission au Seigneur et sans consulter le Très-Haut. En effet, elle ne recherchait point cette connaissance du bon plaisir divin avec le désir de la recevoir par une révélation extraordinaire, car, comme je l'ai dit, elle était à cet égard très discrète et très prudente, ne sollicitant une révélation qu'en des cas fort rares. Mais elle consultait, en dehors de ses communications spéciales, la lumière habituelle et surnaturelle du Saint-Esprit, qui la gouvernait et conduisait dans toutes ses actions, et en y élevant la vue intérieure, elle y découvrait la plus grande perfection, et la plus haute sainteté qu'on puisse apporter dans la manière de faire les choses, et dans les actions communes. Et quoiqu'il soit vrai que la reine du ciel eût diverses raisons, et comme un droit particulier de demander au Seigneur par un moyen quelconque la connaissance de sa volonté, néanmoins, comme cette grande âme était un exemplaire et une règle de sainteté et de discrétion, elle ne s'en prévalait point, excepté dans les occasions convenables, et dans tout le reste, elle accomplissait à la lettre ce que dit David. Comme les yeux de la servante sont attentifs sur les mains de sa maîtresse, de même mes yeux sont fixés sur le Seigneur, en attendant que sa miséricorde soit avec nous. Psaume 122, 3. Mais cette lumière ordinaire était plus grande dans la reine de l'univers qu'en tous les mortels ensemble, et elle lui suffisait pour demander le fiat de la volonté divine qu'elle connaissait. Le mystère de la circoncision était particulier, unique. C'est pourquoi il exigeait une illumination spéciale du Seigneur que la prudente mère attendait fort à propos, et dans cette attente, s'adressant à la loi qu'il ordonnait, elle disait en elle-même, « Aux lois communes, tu es juste et sainte, mais tu ne laisseras pas d'être bien dure à mon cœur, si tu dois le blesser en celui qui en est la vie et l'unique maître. Que tu sois rigoureuse pour laver du péché celui qui en est souillé, cela est juste. Mais que tu pèses de toute ta force sur l'innocent en qui l'on ne peut trouver aucune faute. Il me semble que c'est un excès de rigueur que son amour seul peut autoriser. » Épître aux Hébreux 7, 26 et 27. Aussi mon bien-aimé voulait bien éviter cette peine. Mais comment la refusera-t-il, lui qui ne vient que pour souffrir, pour embrasser la croix, pour accomplir et perfectionner la loi. Matthieu 20, 28, 5, 17. Ô cruel instrument, si tu exécutais le coup sur ma propre vie, plutôt que sur le maître qui me l'a donné. Ô mon très cher fils, mon doux amour, lumière de mon âme, est-il possible que vous versiez sitôt un sang qui vaut plus que le ciel et la terre? Mon amoureuse peine me porte à empêcher la vôtre, et à vous exempter de la loi commune, qui ne vous regarde pas, puisque vous en êtes l'auteur. Mais le désir que j'ai de l'accomplir m'oblige de vous livrer à sa rigueur, si vous, ma douce vie, ne commuez pas la peine en me la faisant endurer. C'est moi, Seigneur, qui vous ai donné l'être humain, que vous avez d'Adam, mais vous l'avez reçu sans aucune tache de péché, et c'est pour cela que votre toute-puissance m'a dispensé de la loi commune de le contracter. En tant que fils du Père éternel, et image de sa substance par la génération éternelle, vous êtes infiniment éloigné du péché. Épître aux Hébreux 1, 3. Or comment, mon divin Seigneur, voulez-vous vous assujettir à la loi de son remède? Mais je vois bien, mon très cher fils, que vous êtes le maître et le rédempteur des hommes, que vous devez confirmer la doctrine par votre exemple, et que vous n'en omettrez pas un seul point. Matthieu 5, 18. Ô Père éternel, faites, s'il est possible, que le couteau perde dans cette occasion sa rigueur, et la chair sa sensibilité, que la douleur échoue à cet abject vermisseau, que votre Fils unique accomplisse la loi, et que j'en ressente moi seul la peine douloureuse. Ô cruel péché, que tu es prompt à communiquer ton aigreur à celui qui n'a pu te commettre. Ô enfant d'Adam, haïssez et craignez le péché, qui a besoin pour son remède de l'effusion du sang et des souffrances du Seigneur Dieu lui-même. Cette tristesse de la pitoyable mère était mélangée de la joie qu'elle avait de voir le Fils unique du Père né entre ses bras. Elle passa ainsi les jours qui s'écoulèrent jusqu'à la circoncision, Son très chaste époux Joseph partageant tous ses sentiments car elle ne parla qu'à lui seul du mystère, et ce fut avec fort peu de paroles, à cause de leur compassion et de leurs larmes. Avant que les 8 jours de la naissance fussent accomplis, la très discrète reine s'adressant, dans le doute où elle était, à sa divine majesté, lui dit « Suprême roi de l'univers, Père de mon Seigneur, voici votre servante avec le sacrifice et l'hostie véritable dans ses mains. » Épître aux Éphésiens 5, 2. Mes gémissements et le sujet qui les cause ne sont point cachés à votre sagesse. Psaume 37, 10. Découvrez-moi, Seigneur, votre divine volonté quant à ce que je dois faire avec votre fils et le mien pour me conformer à la loi. Et si j'en puis exempter mon très doux enfant, et mon Dieu, en souffrant moi-même les douleurs de sa rigueur et beaucoup plus encore. Mon cœur y est tout disposé, psaume 106, 8, mais si c'est, Seigneur, votre bon plaisir qu'il soit circoncis, j'y suis aussi disposé. Le Très-Haut lui répondit en ces termes, ma fille et ma colombe, ne vous affligez pas de livrer votre fils au couteau et à la circoncision, car je l'ai envoyé au monde pour y montrer l'exemple et pour mettre fin à la loi de Moïse en l'accomplissant entièrement. Matthieu 5, 17. Si ce vêtement de l'humanité que vous lui avez donné comme mère naturelle doit être déchiré par la blessure de sa chair et de votre âme en même temps, il souffrira aussi en son honneur, étant mon fils naturel par la génération éternelle. Psaume 2, 7, l'image de ma substance, Épître aux Hébreux 1, 8, égale à moi en nature, en majesté et en gloire, Jean 10, 30, puisque je le livre à la loi et au sacrement qui ôte le péché sans manifester aux hommes qu'ils ne sauraient l'avoir. Vous savez bien, ma fille, que vous me devez offrir votre fils et le mien pour cette peine, et pour d'autres plus grandes. Laissez-lui donc verser son sang, et me donner les prémices du salut éternel des hommes. Notre divine dame, comme coopératrice de notre remède, se conforma à cette détermination du Père éternel avec une telle plénitude de sainteté, qu'il n'est pas possible à l'intelligence humaine de la mesurer. Elle lui offrit aussitôt son fils unique avec une très soumise obéissance et un très ardent amour, et lui dit « Seigneur Dieu Tout-Puissant, je vous offre de tout mon cœur la victime et l'hostie de votre sacrifice agréable, Épître aux Éphésiens 5, 2. Quoique je sois pénétré de compassion et de douleur en voyant que les hommes ont offensé de telle sorte votre bonté immense, qu'une juste satisfaction ne peut vous être donnée que par un être qui soit Dieu. Je vous loue éternellement de ce que vous regardez la créature avec un amour infini, n'épargnant pas votre propre fils pour son remède. Romains 8, 32. Pour moi, que vous avez daigné choisir pour sa mère, je dois être soumise à votre bon plaisir plus que tous les mortels et que toutes les autres créatures. Ainsi je vous offre le très doux agneau qui doit effacer les péchés du monde par son innocence. Jean 1, 29. Mais s'il est possible d'adoucir pour mon fils bien-aimé la rigueur de ce couteau en le tournant contre mon sein, votre bras est puissant pour faire cet échange. » L'auguste Marie sortit de cette oraison, et, sans révéler à Saint Joseph ce qu'elle lui avait appris, elle lui proposa avec une rare prudence et les raisons les plus persuasives de se préparer à la circoncision de l'enfant Dieu. Elle lui dit, comme en le consultant, que le temps fixé par la loi pour la circoncision du divin enfant s'approchant déjà, Luc 2, 21, Genèse 17, 12, Il semblait nécessaire de l'accomplir, puisqu'il n'avait point d'ordre contraire, et qu'étant tous deux plus redevables au Très-Haut que toutes les créatures ensemble, il devait aussi, en retour de tant de bienfaits incomparables, être plus ponctuel à se conformer à ses préceptes, et plus prompt à souffrir pour son amour dans le ministère qu'il remplissait auprès de son Très-Saint-Fils, devant dépendre de sa divine volonté en toutes choses. Le Très-Saint Époux lui répondit avec beaucoup de respect et de sagesse qu'il se conformait en tout au bon plaisir divin manifesté par la loi commune, puisque le Seigneur ne lui avait appris rien d'autre à cet égard, et que le Verbe humanisé, quoiqu'il ne fût point soumis à la loi en tant que Dieu, étant néanmoins revêtu de l'humanité, et en tout un maître et rédempteur très parfait, voudrait se conformer aux autres hommes en ce qui regardait son accomplissement. Ensuite il demanda à sa divine épouse comment il faudrait procéder à la circoncision. La très sainte Vierge lui répondit que, tout en accomplissant la loi en sa substance, il lui semblait, quant au mode, qu'il fallait faire comme aux autres enfants que l'on circoncisait, mais qu'elle ne devait point l'abandonner ni le remettre à aucune autre personne, qu'elle-même le porterait et le tiendrait entre ses bras, et que, comme par suite de sa complexion délicate l'enfant éprouverait une plus grande douleur que les autres circoncis, il fallait qu'il tasse tout près le remède dont on se servait ordinairement pour guérir la blessure. Outre cela, elle pria Saint Joseph de chercher avec diligence une petite fiole de cristal ou de verre pour y mettre les sacrées reliques de la circoncision de l'enfant Dieu, qu'elle voulait porter sur elle. Cependant la prévoyante mère prépara des linges pour recevoir le sang qu'on allait commencer à verser pour le prix de notre rachat, afin qu'il n'en tombât pas alors une seule goutte à terre. Après ces préparatifs, notre divine dame chargea Saint Joseph d'avertir le prêtre et de le prier de venir dans la grotte, afin que l'enfant n'en sortît point et qu'il fît lui-même la circoncision, comme ministre le plus légitime et le plus digne d'un si grand et si profond mystère. Ensuite l'Auguste Marie et Saint Joseph délibérèrent sur le nom qu'ils devaient donner à l'enfant Dieu dans la circoncision, sur quoi le Saint Époux dit, « Chère dame, quand l'ange du Très-Haut me révéla le grand mystère de l'incarnation, il m'ordonna en même temps d'appeler votre sacré fils Jésus. » La Vierge Mère répondit, « Il me désigna le même nom lorsque le Verbe prit chair dans mon sein. Or, sachant le nom que le Très-Haut veut lui donner par la bouche des anges ses ministres, il est juste que nous révérions avec un humble respect les jugements impénétrables de sa sagesse infinie en ce saint nom, et que mon Fils et mon Seigneur soient appelés Jésus. C'est ce que nous déclarons au prêtre pour qu'il écrive ce divin nom sur le registre des autres enfants circoncis. » Pendant que la grande reine du ciel et Saint Joseph s'entretenaient sur ce sujet, des troupes innombrables d'anges descendirent de l'Empyrée en forme humaine, avec des vêtements d'une blancheur éclatante, rehaussés par des ornements incarnats d'une richesse admirable. Ils portaient des palmes en leurs mains et des couronnes si brillantes sur leurs têtes, que chacune envoyait plus de lumière que plusieurs soleils ensemble, et, en comparaison de la beauté de ces saints princes, tout ce qu'il y a de visible et de beau dans la nature ne paraît que laideur. Mais ce qui frappait davantage dans leur aspect, c'était une devise, comme gravée sous un cristal sur leur poitrine, où le très doux nom de Jésus était marqué. Et la splendeur qui en rejaillissait surpassait celle de tous les anges ensemble, de sorte que la variété qui se découvrait, dans une telle multitude était si rare et si agréable, qu'il n'est possible ni de l'exprimer par des paroles ni de la concevoir par l'imagination. Ces saints anges, étant entrés dans la grotte, se partagèrent en deux cœurs, regardant tous avec admiration leur roi et leur seigneur entre les chastes bras de la bienheureuse mère. Les deux grands princes Saint-Michel et Saint-Gabriel étaient comme les chefs de cette milice céleste. Ils avaient aussi un plus grand éclat que les autres anges, et outre cet avantage, ils portaient en leurs mains le très saint nom de Jésus, écrit en plus gros caractères sur des espèces de médaillons d'une beauté et d'une richesse extraordinaires. Les deux princes célestes se présentèrent à part à leur reine et lui dirent « Illustre dame, voici le nom de votre fils, qui est écrit de toute éternité dans l'entendement de Dieu. La très sainte Trinité l'a donné à votre fils unique, notre Seigneur, avec puissance de sauver le genre humain, Matthieu 1, 21, elle l'a assis sur le trône de David. Il y régnera, Ésaïe 9, 7, il châtiera ses ennemis, il en triomphera, Colossiens 2, 15, Psaume 54, 19, et les humiliera jusqu'à s'en servir de marchepied, Psaume 109, 9, et, jugeant avec équité, il élèvera ses amis et les placera dans la gloire de sa droite. Matthieu 25, 33. Mais tout cela doit arriver au prix de ses peines et de son sang, qu'il doit maintenant verser en prenant ce nom, parce que c'est un nom de sauveur et de rédempteur, et ce seront les prémices de ce qu'il doit souffrir pour obéir au Père éternel. Nous tous, ministres et esprits du Très-Haut, qui nous présentons ici, avons été envoyés par la très sainte Trinité pour servir le Fils unique du Père et le vôtre, assister à tous les mystères et sacrements de la loi de grâce, et l'accompagner comme serviteur, jusqu'à ce qu'il monte triomphant la Jérusalem céleste, et qu'il en ait ouvert les portes au genre humain. Après quoi nous en jouirons avec une gloire accidentelle qui nous sera particulière. Et au-dessus des autres bienheureux qui n'auront pas reçu cette mission privilégiée. Le bienheureux époux Saint-Joseph y entendit tout cela avec la reine du ciel, mais l'intelligence n'en fut pas égale, car la mère de la sagesse y pénétra de très haut mystère de la rédemption. Et quoique Saint-Joseph en découvrit plusieurs de son côté, ce fut d'une manière inférieure à celle de sa divine épouse. Ils furent néanmoins tous deux remplis de joie et d'admiration, glorifiant le Seigneur par de nouveaux cantiques. Et il se passa entre eux tant de choses admirables, qu'il n'est pas possible de trouver des termes assez expressifs pour les raconter. Instruction que l'Auguste Marie me donna. Ma fille, je veux renouveler en vous la doctrine et la lumière que vous avez reçue, pour traiter votre Seigneur et votre époux avec une extrême révérence. Car l'humilité et la crainte respectueuse doivent croître dans les âmes à mesure qu'elles reçoivent des faveurs plus particulières et plus extraordinaires. C'est manque de cette science que beaucoup d'âmes ou se rendent indignes ou incapables des grands bienfaits, ou en les recevant, se laisse aller à une familiarité aussi grossière que dangereuse, par laquelle elles offensent beaucoup le Seigneur, car il arrive bien souvent que, beaucoup la douceur amoureuse avec laquelle plusieurs fois sa divine bonté les caresse, elles prennent une certaine hardiesse ou légèreté présomptueuse qui les fait traiter sa majesté infinie sans le respect qui lui est dû, et rechercher avec une vaine curiosité, par des voies surnaturelles, ce qui est au-dessus de leur entendement et qu'il ne leur est pas convenable de savoir. Cette témérité vient de ce qu'elle compare, par une ignorance terrestre le commerce familier avec le Très-Haut à celui qu'une créature humaine a coutume d'avoir avec une autre qui lui est égale, croyant que la chose doit se passer sans aucune différence. Mais on se trompe fort dans ce jugement, par lequel on mesure le respect que l'on doit à la majesté infinie avec les rapports de familiarité et d'égalité que l'amour humain établit entre les mortels. Chez les créatures raisonnables, la nature est égalée, malgré la diversité des conditions et des accidents. Les sentiments d'une affection intime peuvent faire oublier la différence qui les rend inégales, et régler par les mouvements humains ces relations d'amitié. Mais l'amour divin ne doit jamais oublier l'excellence inestimable de l'objet infini. Or, comme il s'adresse à la bonté immense, et que par cet endroit il n'a point de limite, de même le respect s'adresse à la majesté de l'être divin. Et parce que la bonté et la majesté sont inséparables en Dieu, le respect ne doit pas être non plus séparé de l'amour en la créature. La lumière de la foi divine, qui découvre à l'amant l'essence de l'objet qu'il aime, doit toujours le guider. Elle doit exciter et entretenir une crainte révérentielle, et régler les affections désordonnées auxquelles se livre ordinairement un amour aveugle et inconsidéré, quand il agit sans se rappeler l'excellence et la supériorité infinie de celui qu'il aime. Quand la créature a le cœur noble et qu'elle est accoutumée à la sainte et respectueuse crainte, elle n'est point en danger d'oublier, dans les plus fréquentes et les plus grandes faveurs, la révérence qui est due au Très-Haut. Parce qu'elle ne s'abandonne point sans réflexion aux douceurs spirituelles, et qu'elle n'y perd pas la prudente attention qu'on doit toujours porter à sa suprême majesté. Au contraire, plus elle l'aime et la connaît, plus elle l'honore et la révère. C'est avec ces âmes que le Seigneur traite d'une manière familière et comme un ami avec un autre. Exode 33, 11. Que ce soit donc pour vous, ma fille, une reine inviolable, que quand vous jouirez des plus tendres caresses, des plus étroits embrassements du Très-Haut, vous soyez d'autant plus soigneuse de révérer la grandeur de son être infini et immuable, de le glorifier autant que vous l'aimerez. Par cette science vous apprécierez beaucoup mieux le bienfait que vous recevez, et vous ne tomberez point dans la hardiesse dangereuse des gens légers qui veulent à tout propos, dans les petites comme dans les grandes choses, rechercher et interroger le secret du Seigneur, et qui demandent que cette très prudente providence condescende et se prête à leur vaine curiosité. Poussés qu'ils sont par quelques passions désordonnées que font naître des affections humaines et répréhensibles, et non le zèle du saint amour. Considérez à cet égard la discrétion avec laquelle j'agissais et je m'arrêtais dans mes doutes, quoique jamais aucune pure créature n'ait pu être à beaucoup près aussi agréable que moi aux yeux du Seigneur. Cela, étant, et lorsque j'avais dans mes bras Dieu lui-même, en qualité de sa véritable mère, je n'osais néanmoins jamais le prier de me faire connaître quoi que ce fût par des voies extraordinaires, soit pour le savoir, soit pour me soulager de quelque peine, soit pour quelque autre motif humain, car tout cela aurait marqué une faiblesse naturelle ou une vaine curiosité, ou un défaut blâmable, et c'est ce qu'on ne saurait trouver en moi. Mais quand la nécessité m'y obligeait pour la gloire du Seigneur, ou que le sujet était indispensable, alors je demandais la permission à sa divine majesté de lui exposer mon désir. Et bien qu'elle me fût toujours très favorable et qu'elle me demandât avec une bonté merveilleuse ce que je souhaitais de sa miséricorde, je m'anéantissais néanmoins toujours en sa présence, et la priais seulement de m'enseigner ce qui lui serait le plus agréable. Gravez, ma fille, cette instruction dans votre cœur, et gardez-vous bien de chercher jamais avec un désir désordonné et curieux à savoir ou à pénétrer la moindre chose qui soit au-dessus de la raison humaine. Car, outre que le Seigneur ne répond point à ses prétentions insensées, tant elles lui déplaisent, Le démon est fort attentif à ce vice, surtout quand il se trouve dans les personnes qui veulent mener une vie spirituelle. Et comme il est d'ordinaire l'auteur de ses sentiments de curiosité vicieuse, et qu'il les développe par ses ruses, il arrive souvent qu'elles lui servent encore à les entretenir, en se transformant en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14, de sorte qu'il trompe les imparfaits et les imprudents. Et quand même ces recherches ne viendraient que d'une inclination naturelle, on ne doit pas non plus l'écouter ni la suivre, parce qu'il ne faut pas dans une affaire si haute qu'est le commerce avec le Seigneur, se laisser aller aux impressions ni aux appétits d'une raison passionnée, car la nature, dépravée, infectée par le péché, est tellement désordonnée, qu'elle n'imprime que des mouvements irréguliers auxquels on ne doit pas obéir, et d'après lesquels on ne doit pas se diriger. Il ne faut pas non plus qu'une créature implore des révélations divines pour être soulagée de ses peines et de ses afflictions, car l'épouse de Jésus-Christ, et son fidèle serviteur ne doivent pas user de ses faveurs pour fuir la croix, mais pour la chercher et la porter avec le Seigneur, Matthieu 16, 24, et pour l'attacher à celle que sa divine providence leur donnera. Je veux que vous pratiquiez tout cela avec une retenue craintive, tendant vers cette extrémité pour vous éloigner du contraire. Je veux que vous perfectionniez dès aujourd'hui les motifs de votre conduite, et que vous agissiez en toutes choses par amour, c'est-à-dire pour les fins les plus parfaites. Épître aux Philippiens 1, 9. L'amour n'a ni borne ni mesure, ainsi je veux que vous aimiez avec excès et que vous craigniez avec modération, et autant qu'il sera nécessaire pour ne pas transgresser la loi du Très-Haut et pour régler toutes vos opérations intérieures et vos actions extérieures avec droiture. Soyez soigneuse et ponctuelle en cela, quelques difficultés et quelques peines que vous rencontriez. N'ai-je pas souffert aussi en me décidant à faire circoncire mon très saint fils? Genèse 17, 12. Je le fis, parce que la volonté du Seigneur, à qui nous devons en tout et partout obéir, nous était déclarée dans les saintes lois. markmdanarchive.org, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique, la cité mystique de Dieu par Marie d'Agreda, tome 3 Poussiel Gurusan 1857.